écoutez l'argument, hein. Écoutez l'argument, c'est phénoménal ça aussi. C'est, en temps de crise, il faut pas abuser. En fait, c'est l'inverse. Espèce de clochard, de débile menton, d'abruti fini. Et arrêtez de me dire de ne pas les insulter parce que vous attendez quoi? Vous attendez de crever pour les insulter, c'est ça? Quand vous serez mort, vous les insulterez 6 pieds sous terre? Déjà là, ils vous entendent pas, ils vont peut-être vous entendre 6 pieds sous terre. C'est l'inverse, chers amis, c'est l'inverse. On fait attention, on n'abuse pas quand tout va bien. Quand tout va mal, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fini. Vous avez cassé la machine, c'est terminé. Donc, c'est quand tout va bien qu'il fallait pas abuser du système. Ils ont détruit le système. Et tout en nous expliquant que ce système, il est bon, que les stock options, c'est bon. Le seul problème, c'est que pour régler cette question, il faut éliminer complètement ce système. Ce système est absurde. Un chef d'entreprise, il n'a pas à gagner 50 millions d'euros annuels. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il fait avec? Qu'est-ce qu'il fait avec 50 millions d'euros, mais pourquoi faire de 8 milliards de dollars aussi, 200 000 milliards de billions de dollars aussi de salaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça n'a pas de sens. En plus, c'est même pas lui qui fait le boulot. Il a 48 secrétaires. Et quel talent, en plus, ils ont coulé tous leur entreprise. AIG a coulé, tous, ils ont tous coulé. Lehman Brothers, ils ont tous coulé. J'ai reçu une feuille hallucinante du Crédit Agricole. Pour connaître les tendances du marché, savoir comment sécuriser votre projet, chattez avec nos experts le 9 et 16 avril sur www.salon-cemontois.fr. Crédit Agricole, banque et assurance. Mais espèce de cloporte de zombies dégénérés. Chattez vous-même avec vos experts, espèce d'abrutis. Votre action en 2 ans est passée de 35 à 5 euros. Vous savez même pas gérer votre argent, votre capital. Et c'est à moi qui vous allez me donner des conseils. Donnez-les d'abord à vous-même les conseils. C'est donnez-les à vous-même les conseils. Faut arrêter là. Ça suffit, je vais pas prendre des conseils sur des ploucs qui ont perdu 80% de leur capital. Bon, bref, il serait judicieux, chers amis, de se réveiller. À très bientôt.